Chapitre 4. La bibliothèque de l'évêque. Telle avait été la fin de cette agréable réunion à Plumstead, agréable tant que la bonne humeur avait régné entre tous ceux qui la composaient. Mrs. Grantly avait senti sa maison plus gaie, plus animée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, et l'archidiacre avait trouvé que le mois s'était agréablement écoulé, non sans en rapporter la cause à la manière dont il savait exercer l'hospitalité. 3 ou 4 jours après le départ d'Eleanor, M. Harding était lui aussi retourné à Barchester, et M. Arabin était allé passer une semaine à Oxford avant de s'installer à Saint-Évold. Il était parti chargé de messages pour le docteur Gwynne. L'archidiacre faisait connaître à son ami l'intrigue dont le palais était le théâtre et ses craintes relativement à l'hospice, malgré les assurances contenues dans la lettre malencontreuse de M. Slope. Dans le trajet de Plumstead à Barchester, Eleanor n'avait guère pu penser à M. Arabin. Elle avait dû oublier provisoirement ses torts et son amour, obligée qu'elle était de causer avec sa sœur, pour faire croire au maintien de leurs relations affectueuses. Quand la voiture fut arrivée devant sa porte, et tandis qu'elle donnait un dernier baiser à Mrs. Grantly et à ses nièces, Mary Bold sortit précipitamment et s'écria « Oh, Eleanor, avez-vous appris ?» « Oh, Mrs. Grantly, savez-vous ce qui est arrivé? Le pauvre doyen !»« Dieu du ciel !» dit Mrs. Grantly. « Qu'est-ce qui est arrivé ?»« Ce matin, à 9 heures, il a eu une attaque d'apoplexie, et il n'a point parlé depuis. Je crains bien que tout ne soit fini maintenant. » Mrs. Grantly, qui avait eu des relations intimes avec le doyen, fut douloureusement affectée. Eleanor, moins liée avec lui, le connaissait pourtant assez pour être attristée par la nouvelle qu'elle recevait. « Je vais de ce pas chez lui, » dit Mrs. Grantly. « J'y trouverai l'archidiacre, j'en suis certaine. S'il y a lieu de vous envoyer des nouvelles, je vous les ferai porter par Thomas avant qu'il quitte la ville. » Et la voiture partit, laissant Eleanor avec son enfant et Mary Bold. Mrs. Grantly avait raison. L'archidiacre était chez le doyen. Il était venu lui aussi à Barchester ce matin-là pour éviter de se retrouver avec Eleanor et à son arrivée avait appris l'accident. Il y avait, nous l'avons déjà dit, une bibliothèque ou salle de lecture qui faisait communiquer la maison du doyen avec la cathédrale. On l'appelait généralement la bibliothèque de l'évêque parce qu'on supposait que c'était un évêque de Barchester qui l'avait ajouté à la cathédrale. Quelques marches conduisaient de cette salle dans celle où les prêtres de la cathédrale mettaient et ôtaient leur surplis. Comme elle s'ouvrait sur la maison du doyen, elle était le passage par lequel ce dignitaire se rendait dans l'église pour y remplir ses fonctions. Qui avait ou n'avait pas le droit d'y entrer, il serait difficile de le dire. Le peuple de Barchester croyait qu'elle appartenait au doyen, le clergé de Barchester qu'elle appartenait au chapitre. Ce matin-là, le plus grand nombre des ecclésiastiques qui constituaient le chapitre et quelques autres encore étaient réunis dans cette salle. L'archidiacre, comme d'habitude, trônait au milieu d'eux. Il avait eu connaissance de l'accident avant de passer le pont qui conduit à la ville et s'était rendu sur le champ en ce lieu de réunion bien connu du monde clérical où il était arrivé à 11 heures et qu'il n'avait pas quitté depuis. De temps en temps, les médecins qui avaient été appelés apportaient de petits bulletins dans la bibliothèque et retournaient près du malade. Il y avait, semblait-il, peu d'espoir que le vieillard reprît sa connaissance, aucun espoir qu'il guérît. La question était de savoir s'il expirait sans avoir recouvré la parole et le sentiment, frappé à mort par cette attaque violente, ou si, grâce à l'habileté des médecins, il reprendrait assez de vie et de connaissance pour adresser à son Créateur une dernière prière avant d'être appelé à comparaître devant lui le jour du jugement. On avait appelé de Londres Sir Omicron Pie. Le grand homme avait montré une merveilleuse habileté à prolonger la vie du vieil évêque Grantly. Il était raisonnable d'attendre de lui le même succès dans le cas du doyen. Cependant, le docteur Philgrave et le docteur Rarechild avaient fait de leur mieux, et la pauvre Miss Trefoil était assise au chevet de son père, avide comme le sont les filles, de pouvoir montrer son affection par son dévouement. L'archidiacre seul avait été admis un instant dans la chambre du malade. Il y était entré avec précaution, mais sans pouvoir empêcher ses chaussures de craquer. Il avait dit, d'une voix émue, un mot de consolation à la fille affligée. Il avait arrêté sur le visage altéré de son vieil ami un regard solennel et curieux à la fois, celui d'un homme qui se dit à lui-même « Un jour viendra où tu seras ainsi ». Puis, après avoir adressé une parole insignifiante au médecin, il était retourné dans la bibliothèque, ses souliers craquant toujours. « Il ne parlera plus, je le crains, » dit l'archidiacre en fermant la porte sans bruit, comme si le mourant, duquel le sentiment s'était déjà retiré, pouvait entendre à distance, de sa chambre, le bruit du bouton tourné avec tant de précautions. « en vérité, est-il si mal ?» dit le petit chanoine maigre, dressant dans sa pensée la liste des candidats probables au décanat, et se demandant si l'archidiacre daignerait accepter les fonctions. L'attaque a dû être bien violente. Quand un homme de 70 ans a une attaque d'apoplexie, elle est bien rarement bénigne, dit le gros chancelier. C'était un homme excellent, d'humeur toujours égale, dit l'un des vicaires du chœur. Dieu sait si la perte ne sera pas irréparable pour nous. Oui, c'était un excellent homme, dit un chanoine de second ordre. Nous ne saurions être trop reconnaissants aux dignitaires qui veulent bien nous décharger d'une partie de notre service. Je suppose que le gouvernement fera la nomination, monsieur l'archidiacre, et que nous ne verrons pas un étranger venir parmi nous. Ne parlons pas de son successeur, dit l'archidiacre, tant qu'il y a encore de l'espoir. Assurément, dit le chanoine de second ordre, ce serait absolument inconvenant, mais... Je ne vois personne, dit le petit chanoine maigre, qui soit mieux en cours aujourd'hui que M. Slope. M. Slope ? Dirent à demi-voix deux ou trois ecclésiastiques. M. Slope, doyen de Barchester ? Bah, fit le gros chancelier. L'évêque fera tout pour lui, dit le chanoine maigre. Mrs. Proudie aussi, dit le vicaire du chœur. Bah, fit le gros chancelier. Cette pensée fit pâlir l'archidiacre. Si M. Slope devenait doyen de Barchester ? Certes, une semblable crainte ne reposait sur aucun fondement solide. Comment cette monstruosité pourrait-elle s'accomplir? Néanmoins, elle était dans les choses possibles. Le docteur Proudie avait de l'influence en haut lieu, et M. Slope semblait avoir, comme on dit, le docteur Proudie dans sa poche. Quelle serait leur attitude à tous si M. Slope devenait doyen de Barchester? L'archidiacre en demeura muet pendant quelques instants. Il ne serait certainement pas agréable pour nous d'avoir M. Slope pour doyen, dit le petit chanoine maigre, riant intérieurement de l'émoi qu'avait causé sa suggestion. Aussi agréable et aussi probable que de vous voir sur le trône de l'évêque, dit le chancelier. Je crois cette nomination absolument improbable, dit le chanoine de second ordre. Elle serait tout à fait maladroite. N'est-ce pas votre avis, monsieur l'archidiacre ? Sans doute, dit l'archidiacre. Mais en ce moment, je pense plutôt à notre pauvre ami qui gît sur son lit de mort si près de nous qu'à M. Slope. « Naturellement, naturellement, » dit le vicaire du chœur d'un air solennel. « Naturellement, nous tous aussi, pauvre docteur Trefoil, le meilleur des hommes, mais... »« C'est la résidence de doyen la plus confortable d'Angleterre, » dit un autre chanoine. « 15 acres de jardin. Bien des palais épiscopaux n'en ont pas autant. »« Et 2000 livres par an, » dit le chanoine maigre. « Le revenu a été réduit à 1200 livres. »« Non ?» dit un chanoine, à 1500. Il fait l'objet d'un article spécial. Ce n'est pas possible, dit le chancelier. Vous verrez que j'ai raison, dit le chanoine. Je suis certain de l'avoir lu dans le rapport, dit le chanoine de second ordre. Impossible, dit le chancelier. Il n'y a eu d'exception faite que pour Londres et Durham. Et pour Canterbury et York, dit modestement le vicaire du chœur. Qu'en dites-vous, Grantly ? Demanda le petit chanoine maigre. « De quoi ?» fit l'archidiacre, dont l'air pouvait faire croire qu'il pensait à son ami le doyen, mais en réalité il pensait à M. Slope. « Qu'aura le prochain doyen, 1200 ou 1500 livres ?»« 1200, » dit l'archidiacre avec autorité, mettant ainsi fin à la discussion de ses subordonnés sur cette matière. « Eh bien, j'aurais positivement cru que c'était 1500, » dit le chanoine de second ordre. « Bon, » fit le gros chancelier. À ce moment, la porte s'ouvrit et le docteur Philgrave entra. « Comment est-il ? A-t-il repris connaissance ? Peut-il parler ? Il n'est pas mort, j'espère. Les nouvelles ne sont pas plus mauvaises, docteur. Un peu de mieux, j'espère, docteur. » dirent une douzaine de voix à la fois, sur le ton d'une extrême anxiété. C'était plaisir de voir combien le bon vieux doyen était populaire parmi son clergé. « Pas de changement, messieurs, pas le plus petit changement. Mais un télégramme vient d'arriver. Sir Omicron Pie sera ici par le train de 9h15 du soir. Si un homme peut quelque chose, c'est Sir Omicron Pie. Mais tout ce que peut la science a déjà été fait. » « Nous en sommes convaincus, docteur Philgrave, » dit l'archidiacre. « Pourtant, vous savez... »« Oh, sans doute, » dit le docteur. « J'aurais agi de même. Je n'ai pas hésité à en donner la vie. J'ai dit sur le champ à Rarechild que pour une vie si précieuse, Sir Omicron devait être appelé. Je savais que, naturellement, la dépense ne comptait pour rien. Un homme si distingué, si populaire. Mais tout ce que pouvait l'habileté humaine, nous l'avons fait. » À ce moment arriva la voiture de Mrs. Grantly et l'archidiacre descendit pour lui confirmer les nouvelles qu'elle avait apprises. Le train de 9h15 du soir amena Sir Omicron Pie. Pendant la nuit, le pauvre vieux doyen reprit un peu de connaissance. Fût-ce un résultat de la médication de Sir Omicron, il est difficile de répondre à cette question. Le docteur Philgrave avait à ce sujet son opinion bien arrêtée, que ne partagea pas, à ce qu'on croit, Sir Omicron. Quoi qu'il en soit, Sir Omicron estima que le doyen avait encore quelques jours à vivre. Pendant les 8 ou 10 jours suivants, le pauvre doyen demeura dans le même état demi-conscient, demi-comateux, et son clergé commença à croire qu'il n'y aurait pas lieu de faire une nomination nouvelle avant quelques mois encore.